François qui mène sur la mise en onde. Bienvenue, chers auditrices, auditeurs de la Radio Sangnero à cette actualité dont voici d'abord l'essentiel. Pénurie d'eau potable à mairie de Bujumbura depuis 3 jours. Les citadins craignent déjà la propagation de l'épidémie de choléra qui sévit au nord de la capitale économique et interpelle la Régie des eaux. Entre-temps, le directeur de l'eau à la Régie des eaux évoque la problématique des tuyaux bouchés. Innocent Nkurunziza tranquillise que les ouvriers sont à l'œuvre, expliquant que d'ici le soir de ce jeudi, tous les citadins seront au service. Et l'économiste Faustin Dikoumana appelle le gouvernement à communiquer la population burundaise à chaque fin du trimestre. Comment est utilisé le budget annuel? Vous l'entendrez dans ce journal. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Ouvrons ce journal par la page économie. La loi portant fixation du budget général de la République du Burundi, exercice 2022-2023, prévoit en son article 2 que les dépenses s'élèvent à plus de 2392 milliards de francs burundais, dont plus de 508 milliards pour la rémunération des salariés. Les ressources de ce budget prévu s'estiment à plus de 2194 milliards de francs burundais. Lecture de cette loi avec Vestine Boutoy. Dans cette loi de juin 2022 portant fixation du budget général de la République et du Burundi exercice 2022-2023, son article 1 montre que les ressources du budget général de l'État prévu s'élèvent à 2194 milliards 884 320 835 francs burundais, composés de sources fiscales, non fiscales et dons. Quant aux sources fiscales, par exemple l'impôt sur les revenus, les bénéfices et gains en capital, est de 368 milliards 133 709 335 francs burundais. Et l'impôt sur les biens et services va apporter 1033 milliards 884 millions 475 252 francs burundais. Artemis et MINUSCA va apporter 3 milliards, de même que la récupération des fonds détournés et malversations. Les recettes des minerais équivalent à 3 milliards 557 millions 560 000. Les dons s'estiment à 333 milliards 948 millions 552 374 francs burundais. En tenant compte des dépenses et des recettes du budget de l'État, le déficit budgétaire est de 197 milliards 418 millions 662 760 francs burundais. Merci à Vestine Boutoy pour tous ces détails. Entre-temps, le gouvernement devrait informer la population l'exécution budgétaire chaque 3 mois. C'est ce que révèle le directeur national de la parole et action pour le réveil des consciences et évolution des mentalités par CM. Faustin Dikoumana trouve que l'agriculture a été priorisée, mais il n'y a pas eu de fonds à y injecter. Selon lui, chaque semestre, il doit y avoir une révision budgétaire pour analyser les projet à retoucher. On l'écoute. Normalement, on devrait être informé sur le rapport budgétaire, d'exécution budgétaire trimestriellement. La population a droit à cette information. Le rapport d'exécution budgétaire devait sortir au mois de septembre, 3 mois après, et au mois de décembre. Au mois de décembre aussi, même c'est particulier parce que c'est 6 mois après l'exécution et le début de l'exécution budgétaire. Ça veut dire que le gouvernement doit analyser profondément s'il n'y a pas lieu même de faire une révision budgétaire. Parce qu'on l'avait souhaité, tenant compte de l'analyse des priorités qu'on avait fixées dans le budget actuel, étant donné que ce budget avait été préparé par le gouvernement précédent, le nouveau gouvernement devait analyser profondément, voir s'il n'y a pas lieu de réviser le budget pour faire des priorités nécessaires, des priorités visibles. Alors, c'est pour cela que on se demande même la question au niveau de cet investissement, sur l'augmentation des fonds, pourquoi la santé n'a pas été priorisée, pourquoi l'éducation n'a pas vu les fonds augmenter, surtout au niveau de l'investissement. Il y a les routes, l'état des routes, les barrages. On se demande cet investissement. Il faut même une analyse de voir comment l'investissement sur les fonds propres est alloué. Ce manque de transparence budgétaire a des conséquences parce que les pays normalement sont classés au niveau mondial. Sur certains critères, le Burundi a une note très basse qui n'inspire pas confiance aux bailleurs de fonds et aux investisseurs potentiels. voyez, par exemple, au niveau de la participation citoyenne, le Burundi est à 0%. Au niveau de la transparence budgétaire, le Burundi a une note très basse de 9%. Il est classé à la 102e place sur les 120 pays classés. Et j'imagine qu'il doit y avoir un effort pour un pays qui a besoin d'appui extérieur, qui a besoin d'investisseurs potentiels. Il est grand temps de renforcer la transparence budgétaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Grognes de certains habitants de différents quartiers comme Guiza, Chivitok et Kamenge qui expliquent que depuis mercredi soir, aucune goutte d'eau dans les robinets. Ils craignent des maladies de manque d'hygiène au moment où on parle de l'épidémie de choléra. Ils demandent à la régie des eaux de tout faire pour que l'eau soit disponible. Entre-temps, le directeur eau à la régie des eaux reconnaît cette pénurie d'eau et explique qu'elle a été due aux tuyaux qui ont été bouchés à certains endroits. Suivez plutôt Innocent Ngurunziza, directeur de l'eau à la régie des eaux, dans ses propos recueillis par Ridika Imbati. C'est lié à la configuration de notre réseau. On a eu des extensions avec l'élargissement de la ville de Bujumbura. Mais la base de notre réseau est bien dimensionnée uniquement sur la zone, la commune qui vient de Mukasa. Et les autres communes comme Muha et Nahangwa, et ce n'est qu'avec le temps, les années 1990 et autres que nous présentons. Nous sommes en train d'exécuter des extensions, mais je dirais avec des moyens limités. Et présentement, comme je vous l'avais déjà signalé, nous sommes en train de dimensionner le réseau autrement, tout en prenant en compte les plans d'urbanisation et aussi les plans de l'agrandissement de la ville de Bujumbura. Ça, c'est le cas de Bujumbura, même aussi suite au manque criant qui s'est fait remarquer il y a des années. Et présentement, la direction de nos assurés à responsabilité lance ce cri d'alarme aux responsables, en commençant par notre direction générale et aussi à ses partenaires et aussi au gouvernement de prendre en compte cette situation, puisque à un moment donné, nous sommes dans une situation où nous ne trouvons pas de réponses à des questionnements qui nous sont présentés dans différentes localités. Prière nous excuser de la qualité de cet élément sonore. Certains pêcheurs et autres exerçant le commerce au port de pêche de Kajaga déplorent qu'ils travaillent dans des conditions ne leur facilitant pas de respecter les mesures d'hygiène. Ils évoquent le manque de latrine et d'eau potable à ce lieu. Comme conséquence, 5 cas de choléra ont été déjà signalés au port de pêche de Kajaga depuis sa réapparition vers la fin de l'an 2022. Ornella Mucho s'est rendu sur les lieux, ce reportage. À la pêche de pêche de Kajaga, il n'y a pas de latrine. Cela est ainsi au moment où ceux qui exercent différentes activités sont estimés à plus de 500 personnes, comme il le raconte. À la plage de pêche de Kajaga, il n'y a pas de latrine et cela est ainsi au moment où ceux qui exercent différentes activités à ce lieu sont estimés à plus de 500 personnes. Ces dernières disent être obligées de se soulager n'importe où et craignent la contamination ou la propagation du choléra au moment où 5 cas sont déjà identifiés à cette plage de pêche de Kajaga. Le manque d'eau potable est signalé également comme l'autre facteur favorisant la contamination du choléra, comme l'un des veilleurs le précise. Cette situation est ainsi. Au moment où 5 personnes sont déjà touchées par le choléra à cette plage de pêche, dont 2 personnes qui sont déjà décédées, 2 autres qui sont toujours malades et une autre personne qui est déjà guérie. Actualité internationale. En actualité internationale et législative au Bénin, galvaniser, convaincre les électeurs, le challenge de cette partie en lice. J-3 au Bénin avant les élections législatives du dimanche 8 janvier. cette partie dont trois se réclament de l'opposition brigue les 109 sièges de l'Assemblée nationale. Parmi eux, les démocrates, parti de l'ancien président Thomas Boni Yayi, participe à un scrutin pour la première fois et va mesurer ses forces. Le bloc républicain, parti de la mouvance présidentielle le mieux ancré dans le Nord, aura cette fois un adversaire de poids dans cette zone où l'ex-chef de l'État est implanté. Affaire de 46 soldats ivoiriens à Bamako, Niassimbe plaide pour la grâce présidentielle. Courte visite, quelques heures du président togolais à Bamako, ce mercredi 4 janvier, pour évoquer le sort des 46 soldats ivoiriens détenus depuis juillet dernier au Mali. Un dossier dans lequel Lomé se pose en médiateur. Ces militaires ont été condamnés à 20 ans de prison la semaine dernière pour attentat et complot contre le gouvernement d'Assimi Gota. Comme si l'autre Niassimbe a évité la presse, sa visite est une étape importante. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à François Kimana pour sa parfaite collaboration technique à la présentation. Vous étiez avec Evariste Ndikobanyanga. Un bon après-midi à toutes et à tous.